الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شيخ ويأسر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دون سورة آل عمران غازم سورة دون القرآن آية 133 الله سبحانه وتعالى تجيه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نص آية لا الله سبحانه وتعالى تجيه بين بيت فير ان باردون دي رب اي فير ان paradis sous l'argère ben l'échelle et la terre qui vient préparer au ben moutaqin. Ben moutaqin, c'est ben jimoun qui n'a taqwa Allah, ben jimoun qui paie Allah en la peur, qui fait ben jimoun là respecter l'eau d'Allah. En la peur qui fait du monde là prendre compte l'eau d'Allah, ça c'est le taqwa. En du monde qui est le taqwa, appelle Zub ben Muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala, il invite ce ben serviteur vers un pardon et vers un paradis. Paradis là, ce laser, c'est laser ben l'échelle et la terre. Vers ce paradis là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'invite ce ben serviteur. Mais comment nous trouver dans sa ayat là, avant qu'Allah te donne l'invitation vers paradis, il donne l'invitation vers ce maghfirat, vers pardon Allah. Parce que si un djimoun n'est pas fin gagne pardon Allah, comment il peut gagner une place dans Allah subhanahu wa ta'ala? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il invite tout ben du monde vers ce pardon. Mais qu'est-ce qu'il y a de chose qui peut faire un du monde sentir la nécessité pour gagner pardon Allah avant qu'il lui goûte la mort? Premier, c'est faudrait qu'il du monde là les sires qui n'ont bon Dieu existent, Allah subhanahu wa ta'ala, les sires qui Allah connaît, qui lui peut faire et qui lui fait faire dans sa dunya là. Et deuxième petite chose, faudrait que ça du monde là les reconnaît ban péché qui lui fait une commettre dans ce la vie. Et troisième petite chose, faudrait du monde là sire qui Allah fait une réserve punition pour ban qui fait une vie dans le péché. Léa en du monde, il y a ça trois petites choses là dans lui, ça qui vous fait lire Père, pendant l'équipe dunya, sans Allah subhanahu. Finissons que Allah subhanahu wa ta'ala finit préparer dans l'akhirat. Pas juste finition dans Jahannam, mais aussi il y a beaucoup de finitions pour les gens qui méritent le jour de la fin. Pas juste à partir du jour de la fin qui est Allah sur l'azab, mais aussi pour les gens qui méritent Allah sur l'azab à partir d'un khabar pour gagner finition à partir d'un tome une bonne insane qui pas fini gagne pardon Allah avant qu'il y goûte la mort et puis dans khabar et pour gagner azab. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin que nous connaissons plus qu'il ça. Il fait nous connaître qu'il y a des gens avant de poser dans le kabar et puis commence à vivre dans la frayeur et la souffrance. Écoute un hadith rapporté dans Bukhari. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. Dans ce hadith-là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te dit: quand un janaza fin parit, et ben zom et saïeli les autres épaules, si sa djimoun qui dans janaza là, il y a un bon djimoun. Li pou di qaddimouni amen moi si li pa un bon di moun li pou di a so ban famille ki pe saye li malè ali sa kadav la kout zout pi ali avec li tout petite chose pou tan la voi sa di moun la excepté il sa excepté di moun si di moun ti pou tande dit mon petit poteau nous sans connaissance. Ça c'est parole prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous, bonnes hommes, qui constaient du monde mort, nous finissons à nos épaules dans Janaza. Mais est-ce qu'il y a des jours nous finissons à nous poser? Il est possible. Nous finissons à un bon monde. Comment est-ce possible nous finissons à un ban qui n'est pas bon. Mais ce qui nous fait entendre, n'importe quelle catégorie posée, nous pouvons s'arrêter dans nos épaules, pas même vers le cimetière. Les amis, un prophète qui gagne Wahi, c'est lui qui fait nous connaître sa vérité là. Et tout ban du monde qui a confiance dans sa prophète là, je tire dans ce qui prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien dans ce hadith-là, chers frères et sœurs, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de faire nous connaître. Si ça dit moun qui da janaza là, il y a un bon dit moun. Il peut dire amène-moi. C'est-à-dire avec un contentement. Avec un contentement, il pourrait aller dans sa place pour te amener ni là. Parce qu'il, sciemment, il finit trop. Ben joli signe, ça qui peut faire du content. Mais qui a été dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, une canat saliha, si y a un bon dimoun, En bojimun se en ki Allah subhanahu wa ta'ala rekonditi kambung. En jimun ke na iman. En jimun ki fez efor po ekout l'od Allah. En jimun ki fin gagne pardon Allah avant qu'il y rentre dans l'akhirat. Ça, un bon jimun. Ça, jimun là, qui vous dit, qad jimun. Amin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, s'il n'est pas un bon jimun, s'il n'est pas un bon serviteur d'Allah, adressant avec ban jimun qui peut s'aller là, il peut dire, malaya à sa cadavre, la côte de Piali avec lui. Il vous dit sa parole là. Et sa parole là, il y a une parole qui peut exprimer la prière. Il peut faire. Parce qu'il y connaît qu'il y a un coupable. Il peut trouver un signe qu'il y parle souffert. Ça qui veut lui dire sa parole. Et qui a été la prière qu'il peut gagner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tout qui chose tant la voix sa dimoula excepté insan. Et si insan si vous tendez, ça veut dire si insan vivant si vous tendez ça, insan vivant si vous tendez sa connaissance. Mais qui a été crié ça? Qui a été crié qu'il y a du monde vivant tendé, pas qu'à écouter comme sa connaissance. Qui a été effrayant, ça la voilà effrayant, qui si du monde vivant tendé, comme sa connaissance. Si ça la voilà, ça constate là, il fait ben du monde vivant, gain père, si vivant tu t'en ça, tu peux tomber sa connaissance. Mais dis moun qui peut crier là lui-même. Qui a été payé qui lui peut gagner. Et rappelez bien, chers frères et sœurs, bah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut raconter nous, ça dit moun n'a pas encore posé dans le kabar. Il n'a pas encore allé dans le kabar. Il y a encore les épaules sur le frère. Ça veut dire. Allah sur azab, Allah sur punition, il n'y a pas juste dans Jahannam, il n'y a pas juste au Qiyamah, il n'y a pas juste dans Qabar. Mais comment l'insan a fini qui est dunya, comment il rentre dans l'akhirat sans pardon Allah, l'insan a commencé à faire. Il peut commencer à vivre dans la prière, il peut commencer à vivre dans la souffrance. N'importe qui insan qui pas fini Allah son pardon. Donc ça veut dire, chers frères et sœurs, qu'insan, pour lui sauver avec Allah son azab, faudrait qu'insan là, il plaigne beaucoup avec Allah pour lui gagner Allah son pardon. Et l'insan finit Allah sur pardon, ça insan là qui est vraiment gay. Et surtout dans l'akhirat. Alors, nous avons de l'exemple dans le Coran. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il raconte nous un bandimoun qui finit vivre dans le passé. Qui qualité est réelle que je finis faire dans la vie. Et après, comment je finis sentir la nécessité pour gagner pardon Allah. Je finis demande Allah pardon. Et Allah finit pour je ce pardon. Nous sommes dans l'histoire Moussa alayhi salam dans surah Qasas 28e surah dans le Coran. Allah raconte une partie de l'histoire de Moussa alayhi salam. Et il raconte nous une fois Moussa alayhi salam qui fin arrivé tape un dimoun un coup de poing et par sa coup de poing là dimoun a fin mort. Moussa alayhi salam il parti fin tape sa dimoun là un coup de poing pour touiller. Mais par sa coup de poing là dimoun a fin mort. Moussa alayhi salam il fin comprend qui pas une bonne action qu'il vient faire. Même qu'il y a un prophète d'Allah, il vient sentir la nécessité pour plaindre avec Allah, pour demander pardon avec Allah. Dans sura 28, ayat numéro 16. Allah fait nous tam parole qui Moussa alayhi salam s'adresse avec Allah pour plaindre avec Allah pour gagner pardon. Allah, l'élin fait ça est réel. Rabbi inni zalamtu nafsi. Oh mon Rabb, au fin faire zulum le moment. Chacun qui veut dire ça, un prophète d'Allah, pas un dimoun ordinaire. Un grand prophète d'Allah, Moussa alayhi salam, peut plaigner avec Allah. Rabbi inni zalamtu nafsi. Oh mon Rabb, au fin faire zulum le moment, faghfirli et allo pardon. L'indiman pardon avec Allah. Faghafara lahu. Allah in pardon. Allah in pardon. C'est même qui Allah content avec l'insan. N'importe qui insan. Quand il fait errer, il fait péché, il reconnaît sa péché là avec Allah. Il plaint avec Allah. Lui montrer qu'il est bizarre Allah. Ça qui Allah content avec ça. Mais quand une femme, il commet des péchés, il continue à vivre dans le péché, il tient plaisir dans désobéissance à Allah, il continue à faire niyat, faire programme pour faire péché, ça, Allah pas content avec ça. Il y a un autre exemple. Dans l'histoire, prophète Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, c'est un garçon qui n'a pas accepté la da'wat qui prophète Nuh alayhi salam qui donne. Nuh alayhi salam, comme un papa, il s'accueille ce garçon. Il fait beaucoup d'awat. Il fait beaucoup d'efforts pour que ce garçon-là, sans sur la vie, il vient un musulman. Mais seulement, ce garçon-là, il préfère vivre comme tous les autres du monde dans ce endroit. Mais nous, alayhi salam, par sentiment, il y en a pour ce garçon. Il plaignait avec Allah. Mais l'an dernier, l'inondation finit arriver. Garçon nous, alayhi salam, parmi ban, qui peut gagner Allah sur azab, l'eau d'unia même. Là aussi, nous, alayhi salam, plaignons avec Allah. Mais après, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit avec nous. Dans surah 11, ayat numéro 46. قال يا نوح انه ليس من اهلك بك الله جل نوح عليه السلام الله جل اي نوح شفعت فاميز وجاي سو غاسو مي الله بجل اي نوح شفعت فاميز كيف انه عمل غير صالح سبحان اكشن كي ديفيا با كوريت با بون اي بك الله جل فلا تسألني ما ليس لك به علم. Et nous, pas dimanche qui te souhaite de te payer la connaissance. Nous, alayhi salam, il te demande pardon pour ce garçon. Mais garçon là, il fait un iman. Et les mots sans iman. Donc pour chaque qualité du monde là, pas qu'il y ait trois dimanches d'or. Allah subhanahu wa ta'ala, puis j'ai vu que ce prophète Nuh n'a pas dit moi qu'il soit occupé de la connaissance. Inni a'iduka an takuna min al-jahilin. Puis j'ai dit toi, ça n'a plutôt pas vint parmi les jahil. Allah puis adresse ça avec un prophète. Ça veut dire, Nuh alayhi salam, il a arrêté de faire du'a pour ce garçon. Comment dire, une erreur qu'il vient faire. Il fait une erreur. Ce garçon, il est condamné, mais il y a encore peu de monde, il y a encore peu plein pour ce garçon. Allah n'est pas satisfait avec ça. Nuh alayhi salam, il a trouvé qui il fait une erreur. Il fait une erreur. Qui est erreur? Il peut continuer à prier avec Allah pour ce garçon. Mais la même qui dit avec Allah, Rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li fihi 'ilm. Oh Allah, moi c'est posé question avec toi. Mon papa dit maintenant que tu es mon père en connaissance. Et qu'est-ce qu'il dit après? Ça qui est important. Il dit, wa illa taghfirli wa tarhamni akum min al khasirin. Oh Allah, si tu fais pardonne-moi. C'est ce qui dit ça. Nuh alayhi salam, qui est réel en fer? Pour nous trouver, il ne savait pas réel, il m'en a un doigt, parce qu'il vient demander. Mais il y trouve réel, si tant grave, qu'est-ce qu'il dit dans ce doigt? Oh Allah, si tu fais pardonne-moi, tu fais pitié pour moi, mon parmi, ben perdant. Pour nous, il faut pas que m'a dit ordinaire ça. Mais pour lui, il trouvait qu'il y a une faute grave. Si tant grave, qui si Allah ne pardonne lui, Allah fait un raham pour lui, il n'est pas mis en terre. Nous prenons l'exemple dans le Coran, dans l'histoire d'Adam et Hawa alayhi salam. Dans Surah Al-A'raf, 7e Surah dans le Coran. Allah fait nous connaître qu'il est Adam et Hawa alayhi salam, puis dans le net. Allah subhanahu wa ta'ala fin permet zut pour manger de n'importe qui fruit, n'importe qui pied qu'il y a dans la jannah. Excepté un pied, Allah subhanahu wa ta'ala fin montrer ben là, zut n'a pas costé avec sa pied là. À part ça, n'importe qui pied zut envie manger, mange. Quantité qui zut les qualité qui zut. Mais qu'un seul pied fin montrer zut, pas costé avec ça là. Mais Iblis qui tient ensemble avec Banla, fait une récit en bête Banla, et fait une faire zot, approche avec sa pied qui ne défend zot là. Les autres fin costé avec sa pied là, les autres fin goutte, fruit, depuis dans sa pied là, Allah subhanahu wa ta'ala adresse avec sa déinsane là. Qui Allah dit dans Surah 7, ayat numéro 22, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Alam anhakuma an tilkuma shajara. Et je là, on passe une défense pour coster sa pied là. Wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduu mubin. Et si on passe une diazo qui shaytan pour zot un grand ennemi, qui ça dit une s'en a dit tout de suite après je plains avec Allah subhanahu wa ta'ala. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Pour faute qu'ils ont une faire, ils pensent plaindre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qui faute qui s'adé pour mes insanas une faire, pour nous les ordinaires, ils ne costent avec un pied, pas 10 pieds. Un seul coup de fin costé avec sa pied là, fin mange depuis de sa pied là. Pour nous, l'ordinaire, mais vous savez, insan là, comme ça, faut être si grave, qu'est-ce qu'ils ont dit dans une parole qu'ils ont fait adresser avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana zalamna anfusana. Oh, nous, Rabb, nous faisons faire du tout, nous-mêmes. Wa illam taghfir lana, si tu ne pardonnes nous, wa tarhamna, et tu fais pitié pour nous, lana kounanna min al khasirin. Pena doute nous, al-pami ban perdant. Pena doute nous parle parmi ban perdants, si tu pas parle de nous et tu fais pitié pour nous. Chers frères et sœurs, fin de l'exemple. qui Allah peut faire nous connaître. Pour nous comprendre, il y a des gens dans le passé. Quelle qualité erreur que je finis faire dans notre la vie, qui finit faire notre plein avec Allah, ou Allah pardonne-nous. Si tu pas pardonne-nous, nous finis. Ça va qui je te connais dans l'akhirat et dans l'azab. Et l'azab qui est dans l'akhirat, pas pour capable de supporter ça. Pour vivre dans la souffrance. Ben là, tu as ça, Ivan là. Et je suis montré que je besoin Allah ce pardon, et Allah fait la cause de ce pardon. Nous aussi, chers frères et sœurs, nous, Aster, si nous étions coudés dans nous la vie, qui quand il péché nous vient commettre dans nous la vie, pas qu'à raconter, sans aucune exagération, ni moi, ni où, capable de compter qui quand c'est péché nous fait commettre dans la vie. Avec nos lisiers, avec nos oreilles, avec nos lames, avec nos lipiers, avec nos l'argent, avec nos loto, avec nos lacases, avec nos courages, avec beaucoup de choses qu'Allah fait de nous fait désobéir à l'Allah. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de demander pardon à Allah beaucoup avant qu'il nous quitte sa dunya là, chers frères et sœurs? Certainement. Un dimon qui n'a iman en Allah, il reconnaît ce bon péché, et les cieux qui dans l'akhirat et dans l'azab, ça dimon là, il peut plaindre avec Allah. Tous les jours, il peut plaindre avec Allah. Oh Allah, pardonne-moi mon bon péché avant qu'il te fasse ma goutte la mort. Oh Allah, toi-même connais que quand tu es péché, moi qui me commets tout la terre. Si tu ne peux pas pardonner, tu n'as personne qui ne peut pas pardonner. Oh Allah, pardonne-moi tout mon bon péché. Un dimon, c'est un iman. Un dimon, c'est un iman. Il peut plaindre avec Allah. Il peut payer pour rendre l'akhirat sans Allah ce pardon. Allah subhanahu wa ta'ala se faveur l'ONU de beaucoup. Quand c'est faveur qu'Allah fait l'ONU, beaucoup. Quand c'est quelque chose qu'Allah fait de nous insan, beaucoup de choses dans cette dunya là. Qui quand c'est dans ce verset, ayat numéro 18, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Si je compte faveur d'Allah, je ne pas pour finir pour vous. Dis-moi ce que tu veux faire en retour. Une reconnaissance envers Allah. Comment y a une reconnaissance envers Allah? Service à ma faveur qu'Allah fin donner là, que Allah fin ordonner et que Allah fin permettre. Et pas service à ma faveur là, que Allah fin défendre. Mais Allah vous finit une sang. Quand une sang montre ce takabour envers Allah, quand une sang pense qu'il n'est pas besoin Allah, il n'est pas reconnaître qu'il est coupable devant Allah, ça qui Allah pas compte avec une sang, et pour ça qui Allah pour finir une sang. Comprends ça bien, cher frère et soeur. Tout une sang fait erreur, tout une sang commet péché. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il est content avec l'insan, c'est qu'il est insan fin commettre péché, l'inmal se vient faveur qu'Allah fin donne lui, il plaigne avec Allah. Il demande pardon avec Allah. Ça qu'Allah compte avec l'insan. Rapporté dans le hadith Bukhari, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي محمد صلى الله عليه وسلم في السيما لنو الله سلبية Certainement, moi, je demande pardon avec Allah et me faire taouba avec Allah tous les jours, plus que 70 fois. Pas 70 fois, non, plus que 70 fois. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait une trou pour demander pardon avec Allah plus que 70 fois par jour. Mais nous, quand t'es péché, nous faisons comme nous. Si tant beaucoup, pas capable de rappeler. Mais combien de fois nous demandons pardon avec Allah? Si vraiment nous croyons dans Allah sur Azab. Si vraiment nous voulons gagner rahat dans l'akhirat. Si quand c'est fois par jour, nous disons plaigner avec Allah. Ça, chacun parmi nous réfléchit de ça, ses frères et sœurs, pour nous propre la place. Allah subhanahu wa ta'ala fin descend un Coran, Allah fin envoie un prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer nous comment nous sommes capables de gagner une tranquillité dans l'akhirat. C'est quand il quitte sa dunya là avec pardon Allah. N'importe qui insan qui n'a pas pardon, Allah est l'inrande dans l'akhirat. Un insan qui peut aller jouir en la vie. Et n'importe qui dit moun, qui quitte dunya et n'a pas gagné Allah ce pardon, c'est un dit moun qui sans aucun doute peut aller vivre dans la frayère et peut aller vivre dans la souffrance. Donc, chers frères et sœurs, nous tous, le besoin réfléchi un peu le bon péché qui nous fait une commettre et nous besoin de demander pardon avec Allah beaucoup tous les jours n'importe qui l'est n'importe qui côté à soir les jours dans masjid dans la case avant namaz après namaz dans namaz pendant le travail, pendant le faire l'ouvrage, n'importe qui l'est, n'importe qui moment, nous sommes capables de plaindre avec Allah. Nous sommes capables de demander à Allah pardon avec sincérité. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître, ce bon serviteur dans le passé, qui vient plaindre avec lui, fin demander pardon, Allah fait accorder ce pardon. Nous aussi, nous sommes serviteurs d'Allah. Si nous plaignons avec Allah, avec sincérité, Allah est capable de pardonner. Mais, vous dès qu'il nous sentit qu'il nous besoin Allah, nous besoin Allah ce pardon avant qu'il nous quitte dunya, l'est là qui? Dans ma tête, tantôt, nous besoin pardon avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous demandez pardon avec Allah, comment est-ce que vous demandez pardon avec Allah? Allah subhanahu wa ta'ala, il comprend tout langage qui nous a causé. Une façon pour demander pardon avec Allah qui est plus facile, c'est dans nos langages. Oh Allah, pardonne-moi mon bon péché. C'est. Il demande dans nos langages, afin que sa parole qui peut sortir dans la bouche là, il pas si c'est une parole qui peut sortir dans la langue, mais une parole qui peut être dictée par les guerres. Léla qui s'adore Allah, il y en a valé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pas n'est pas la langue, voilà, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais lesquels n'ont pas intéressé pour gagner pardon Allah? Non, pas comme ça. Mais j'ai dit dans nos langages, nous plaignons avec Allah. Nous tout connaissons qu'il y avait plaignons. Quand nous faisons errer avec un djimoun, quand nous plaignons avec lui, nous lève la voix. Ou bien avec un sourire, nous plaignons avec lui? Non. Nous connaissons quoi qui appelle plaignant. Mais avec Allah. Qui a été encore, nous faisons plus plaignant avec Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait montrer nous des trois phrases. Pour demander pardon avec Allah. Et ça même plus jolie phrase qu'un dimoun capable de dire pour demander pardon avec Allah. Ça même qu'appelle Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. سيد ودي سيف استغفار ودي ديمان باردون avec الله. Sa expression qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam finissait là quand il dit سيد الاستغفار, ça veut dire plus jolie parole qu'un dimoun capable de servir. Vous plaignez avec Allah, vous demandez pardon avec Allah. C'est ce qu'on appelle Sayyid al-Istighfar. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait enseigner au Sayyid al-Istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie sa prophète là sallallahu alayhi wa sallam pour montrer nous toutes les choses qui pour profiter nous dans le dunya et dans l'akhirat. Il le fait montrer nous une façon qui nous gagne pardon Allah. C'est pas dire ça va une jolie jolie phrase dans Sayyid al-Istighfar. Mais avant qu'il écoute une phrase dans Sayyid al-Istighfar, à nous guetter comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous qu'on valait Sayyid al-Istighfar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté dans Bukhari: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ, celui qui dit ça, c'est-à-dire Sayyid al-Istighfar, celui qui dit ça dans la journée, مُوْقِنًا بِهَا, et il y en a yakin dans ce qu'il dit. Écoute bien sa condition, elle est bien importante. Il y en a yakin, il y en a la certitude, c'est-à-dire les signes dans ce qu'il peut dire, quand il peut dire Sayyid al-Istighfar. C'est une phrase qu'il y en a dans Sayyid al-Istighfar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui dit ça dans la journée, et il y en a la certitude dans ce qu'il dit, les mots dans sa la journée là, avant qu'il arrive le soir, fahwa min ahlil jannah. Ça dit moun là, li pou parmi habitants paradis. Wa man qalaha min al-layl, celui qui dit ça dans la nuit, wa huwa muqinun biha, il y en a yakin dans ce qu'il dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répète sa condition là. Il y en a la certitude dans ce qu'il dit. فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحْ, ça dit mon âme, les mots avant arrive le matin, فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ, les pour parmi habitants paradis. Ça c'est parole prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis n'a aucun doute là-dedans. C'est un dimoun qui fait une dièse à Sayyid al-Istighfar là, une dièse dans la journée, et avant arrive le soir, il fait une mort. Ou bien il finit djeli dans la nuit, n'importe qui est dans la nuit, il finit djeli, et avant arrive le matin, il finit mort. Ça dit moun là, selon le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est un habitant du paradis. Mais avec une condition. Il y a un yakin dans ce qu'il dit. Il n'y a pas une bonne phrase pour réciter. Il connaît ce qu'il peut dire, et il croit dans ce qu'il peut dire. Ça s'appelle yakin, la certitude. Donc, chers frères et sœurs, guide Valère, Sayyid al-Istighfar. Aste nous guide, qui bonne phrase qu'il y a dans Sayyid al-Istighfar là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Sayyid al-Istighfar, c'est dire, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ساسي سيد الاستغفار كي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم في نصيص أمت. Assez nous guetter, guette signification, chaque phrase dans sa Sayyid al-Istighfar. Dans la première phrase, Allahumma anta rabbi. Oh Allah, tu m'immo rab. C'est sa jolie phrase qu'une servité d'Allah qui adresse avec Allah dans Sayyid al-Istighfar. Allahumma anta rabbi. Oh Allah, tu m'immo rab. Rab, c'est un sifat Allah. Rab, c'est un attribut d'Allah. Rab veut dire celui qui nourrit, celui qui donne bonne créature ce qu'ils ont besoin, celui qui prend en compte ce bonne créature. Et c'est Allah seulement qui est Rab. Un grand sifat, ça, qui Allah est un Rab. Ce même sifat Rab dans le Coran paraît plus de 950 fois. Dans presque tout le doa qu'il y a dans le Coran, ou lire, ou trouver, il commence par Rabbana. Rabbana veut dire « Oh, nos Rab ». Quand il dit « Allahumma anta Rabbi ». Oh Allah, toi-même, mon Rab. Comme il dit, oh Allah, toi-même qui prends moi compte. Toi-même qui donne moi ce qui m'a besoin. Toi-même qui nourrit moi. Elle dit, quand il perdrait avec Allah par sa parole-là, il sentit lui prier avec Allah. Allahumma anta Rabbi. Oh Allah, toi-même, mon Rab. S'il y en a yakin dans sa phrase-là, il connaît qu'il peut dire. Est-ce qu'il parle cause avec du monde dans le cimetière? Et du monde dans la difficulté, tiens-moi dans telle difficulté. Ou bien pas du bout devant le statut, mais dans tel problème, il y a tout à faire pour moi. Si ça du monde là, il y en a yakin dans Allahumma anta Rabbi. Ou Allah, toi-même, mon Rabbi. Si du monde là, il y en a yakin là-dedans, il y en a la certitude dans sa phrase là, ça veut dire qu'il défend le Allah. Les bisins Allah. Les pas pour dépendre nos créatures d'Allah. S'il y en a yakin dans ce qu'il dit. Dans la deuxième phrase, La ilaha illa ant. Puis il n'y a aucun bon Dieu excepté toi. Ça dit, mon âme perdue, c'est avec Allah. Puis il n'y a aucun bon Dieu excepté toi. Voyez, ça dit, mon âme. Il peut accepter pour adorer un seul bon Dieu, Allah. Ça dit mon là, il peut dire La ilaha illa ant. Si il y en a yakin dans ce qu'il peut dire, si il y en a la certitude dans ce qu'il peut dire, est-ce que ça dit mon là, il peut le faire ibadat pour une autre part Allah? S'il peut dire La ilaha illa ant. Est-ce qu'il peut le faire sijda, même un sijda pour un autre part Allah? Normal. Un dimoun, si il y a yakin dans ce qu'il peut dire dans sa bonne phrase là, il peut dire La ilaha illa ant. Ça veut dire ça, dimoun là. Tout le temps, il faut adorer un seul bon Dieu, Allah. Troisième phrase. Khalaqtani wa ana abduk. Tu fin créer moi. Et moi, je suis tout serviteur. Ça dit, mon âme, qu'il peut dire dans sa phrase. Voilà, tu finis créer moi. Je reconnais que toi-même, mon créateur. Et, wa ana abduk. Je peux accepter pour vivre sur la terre-là comme un tout serviteur. Khalaqtani wa ana abduk. Quand je dis, il peut reconnaître qu'il peut vivre au salat et là comme un serviteur d'Allah. Ça veut dire, ça dit, là, il finit par accepter l'eau d'Allah. S'il y en a yakin dans ce qu'il peut dire, il connaît qu'il peut dire, il sied dans ce qu'il peut dire, ou Allah moto esclave, ou Allah moto serviteur au salat et là. Ça veut dire, ça dit, là, il finit par accepter l'eau d'Allah. Ça qu'Allah peut dire lui pour faire parce qu'il est d'accord, lui serviteur d'Allah. Lui. Dans la quatrième phrase, Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. Et mon respecter mon engagement à toi et mon promesse à toi, quantité qui m'a capable. Là, ça serviteur qui peut dire ça là. Il peut rappeler lui-même, comme un serviteur d'Allah, il faut respecter l'engagement qu'il fait faire avec Allah. Quel engagement il fait avec Allah? Qui oh Allah, je peux adorer toi et je peux obéir à toi. Et en même temps, dans sa parole-là, ça dit mon là, il peut reconnaître sa faiblesse avec Allah. Sa servité qui peut dire sa phrase-là, il peut reconnaître sa faiblesse. Qui faiblesse? Quand il peut dire, mastata'atu, quand c'était que je suis capable. Ça veut dire que je peux dire avec Allah, Allah, je fais maximum d'efforts pour vivre dans l'obéissance. Allah, je fais maximum d'efforts pour écouter ton banlot. Ça veut dire qu'il connaît. 100% il n'est pas capable d'être reconnaissant envers Allah. Il peut reconnaître son faiblesse qu'il y a dans lui. Et ça qui Allah content avec l'insan. L'insan reconnaît qu'il est faible devant Allah. L'insan ne pas montrer qu'il est un rebelle. L'insan ne pas montrer takabur avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'insan ne vient montrer qu'il est besoin Allah. Allah m'a une faiblesse dans moi. Je vais faire des efforts pour vivre dans l'obéissance. Mais je vais connaître pour un manquement dans ma vie. Malgré ça, Allah, je vais continuer à faire des efforts pour vivre dans l'obéissance. Ça qu'Allah compte avec ça. Donc si un zimoun, il peut dire sa phrase-là avec yaqin, il y a la certitude dans ce qu'il peut dire. Il peut dire, oh Allah, je respecte mon engagement à toi et mon promesse à toi quand c'est qu'il est capable. Si ça dit mon là, il sait dans ce qu'il peut dire, il connaît qu'il peut dire, est-ce que ça dit mon là, il peut faire plan pour désobéir à Allah? Il peut faire plan, jeudi soir, telle désobéissance, dimanche, telle désobéissance, l'autre mois, telle désobéissance. Il y a un programme de désobéissance. Si ça dit mon là, vraiment, avec sincérité, il peut adresser avec Allah. Oh Allah, quand je suis capable, pour respecter ça, l'engagement que je fais avec toi là. Ça dit mon là, il n'est pas pour faire programme de désobéissance. Ni il pour inviter ben, dit mon tel jour, je tout besoin une telle place pour commettre désobéissance à Allah. Tel jour, je vais donner une dawak, viens désobéir à Allah ensemble avec moi. Tel jour, viens pour ça, les autres, je vais pas désobéir à Allah. Pas possible. Si ça dit mon là, c'est avec yaqin. Il peut adresser avec Allah sa parole là, il n'est pas un dimoun qui a un programme désobéissance. Bien au contraire, il peut un programme l'obéissance. Il peut un programme l'obéissance à Allah. Il peut penser, il peut faire tel travail, Allah pour content, telle petite chose il peut faire, telle petite chose il peut envie faire pour faire Allah plaisir. Sa programme là, il peut un. Dans cinquième phrase, A'udhu bika min sharri ma sana'a. Moi, je refuse avec toi, oh Allah, contre le mal de ce qui m'a fait faire. Ça veut dire, sa servité est là. Il reconnaît qu'il fait une faire bonne péché. Il fait une faire bonne mauvaise action. Il peut reconnaître ça avec Allah. Il connaît pas sa bonne mauvaise action là. Il mérite azab. Mais seulement, il connaît. S'il gagne protection d'Allah, il va vous gagner sa azab là. Ça même le paysement avec Allah. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Oh Allah, moi je refuse avec toi contre le mal de ça qui m'a fait faire. Comme ça même ça dit mon là. Si avec yaqim il peut adresser avec Allah, A'udhu bika min sharri ma sana'at. Est-ce que ça dit mon là, il est content encore pour augmenter sa mauvaise action. Si là, il peut exprimer la prière avec Allah, voilà, protège-moi contre le mal de ça qu'il m'a fait faire. Est-ce qu'il s'est dit, mon là, il peut faire plan encore pour augmenter sa péché, facilite les autres du monde pour désobéir à Allah? Non, pas possible. Bien au contraire, ça dit, mon là, il peut faire des efforts pour diminuer sa péché. Parce qu'il connaît, le péché là, il a une mauvaise conséquence, ça. Si fin commet péché, bise en punition, il connaît ça. Mais avec Allah sa protection, il est capable de sauver avec bonne souffrance. Avec Allah sa protection, il est capable de sauver avec azab. Dans la sixième phrase, Abu ulaka bi ni'matika alayya. me reconnaître en toi, tu faveur au moins. Me reconnaître en toi, tu ban faveur qui te fait tel au moins. Faveur qui peut reconnaître avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui il fait beaucoup faveur avec Allah. Si un serviteur peut dire ça avec yaqin, avec la certitude, l'histoire dans ce qu'il peut dire, qui adresse avec Allah, voilà, je fais beaucoup de faveur avec toi. Est-ce qu'il s'est dit, mon ami, pour faire une niyat pour venir un grand envers Allah? Ça veut dire, plus ça dit, mon ami, dire sa parole là, plus il peut préparer pour venir reconnaissant envers Allah. Parce qu'il s'accoute. Là, il peut dire sa phrase là, Abu ulaka bi ni'matika alayya. Il peut reconnaître avec Allah, voilà, je fais beaucoup de faveur avec toi. Allah te demande beaucoup de choses, oh Allah. Donc, plus ça dit, Moula dit sa parole là, plus il peut préparer pour venir reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Sixième phrase. Wa abu ulaka bi zambi. Mon reconnaître à ta mouban fichi. Allez, ça dit, Moula. Il peut reconnaître avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait beaucoup erreur dans sa vie. Il fait mal ses vies en faveur qu'Allah fait de lui. Il peut reconnaître lui, ça qu'Allah compte avec une femme. Il peut en attaquer dans lui avec Allah. Il peut en attaquer dans lui vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au contraire, il peut plaindre avec Allah. Il peut reconnaître, voilà mon père péché. Voilà mon commet de désobéissance. Mon père reconnaît, ah, toi, voilà, moi, je commets beaucoup de péchés. Et dernière phrase. Irfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Pardonne-moi parce que personne ne pardonne ban péché excepté toi. Et moi, je plains avec Allah subhanahu wa ta'ala. Par sa phrase là, sa servitude là, connaît qu'il dit Allah qui pardonne mon péché. À cause de ça qu'il lui plaigne avec Allah. Donc c'est une dimoune. Avec yaqim, il peut dire sa phrase là. Même qui quand il péché, il finit de commettre dans la vie, il n'est pas pour désespérer avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas pour dire, mais moi la vie déjà sale, laisse-moi vivre pour oublier ça. Qui m'a pas le sens de la vie pour nous, on finit désobéir à Allah beaucoup. Non. Allah est un grand pardonneur. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, comme Allah dit dans le Coran. Certainement, Allah pardonne tout péché. C'est Allah se favèle au insan. Il pardonne tout péché. Mais, qui insan là reconnaît ce faute? Qui insan là reconnaît ce péché avec Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'il y sentit, qu'il y besoin Allah. S'il y a un takabour qu'il y a dans lui, fierté qu'il y a dans lui, il faudrait qu'il y sentit, qu'il y besoin Allah. Ça qu'Allah compte avec lui. Dans sa même phrase, là, chers frères et sœurs, nous trouvons Pénazis du man pardon là-dedans. Dans ce lieu de l'istighfar, Pénazis diman pardon là-dedans. On trouvait diman pardon là quand il était dernière phrase. Dernière phrase dans ce lieu de l'estirpare qui s'évitait à la paix diman avec Allah. Irfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa an. Pardonne-moi. Pena personne qui est capable de pardonner mon péché excepté toi, oh Allah. Mais avant ça, qui est dans ce lieu de l'estirpare, avant sa dernière phrase-là, qui est là, l'insan peut plaindre avec ce Créateur. L'insan peut reconnaître qu'il est coupable devant ce Créateur. L'insan peut reconnaître qu'il est bizarre Allah. L'insan peut reconnaître sa faiblesse qu'il y a dans lui, son manquement qu'il y a dans lui. Léa la dernière phrase qu'il montre, il faut demander « Irfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. » Voilà, pardonne-moi, pardonne-moi, personne qui n'est pas capable de pardonner. Mais avant ça, fit montrer une femme qui plaignait. Plaignait avec Allah. Ça qu'Allah compte avec une femme. Donc, chers frères et sœurs, à la Sayyid al-Istighfar qui nous profite Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne. Il montre nous ce valeur. Si un djimoun dit ça un coup de la journée ou bien un coup le soir, avec une condition, il y en a yakin dans ce qu'il dit. Et si les mots, dans la nuit là ou bien dans la journée là, les parmi les habitants paradis. Avec sincérité, au moins un coup dans la journée, au moins un coup dans la nuit. Dieu lui connaît qui veut dire. Il est facile pour nous apprendre ça quelques phrases là. Même qui en arabe. Nous apprendre pour prononcer bien. Et nous apprendre ce signification. Et quand nous finissons connu par cœur, plus joli encore. N'importe qui côté nous était, nous sommes capables d'adresser avec Allah par sa bonne jolie jolie phrase que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne. Nous l'avons lu, nous avons dormi. Avant qu'il ne dorme. Si nous gagnons dans nos cœurs, nous pouvons adresser avec Allah. Dans la nuit, nous sommes fin cassés. Nous sommes capables de dire. Nous encore l'on lit. Nous pouvons adresser avec Allah, ça va une belle, belle phrase. Là. Il n'y a aucune condition qui dit mon là pour lui dire ça, il besoin de l'onat namaz, ou bien il besoin de ouzou, ou bien il besoin de roussal. Non, il n'y a aucune condition. C'est sa facilité qui nous donne là. Même si vous pouvez ouzou, même si vous pouvez roussal, ou dans le bus, ou dans l'auto, vous pouvez aller, ou le bus stop, vous pouvez bus, vous pouvez marasser l'eau la vie. N'importe qui côté. Mais on pense que vous pouvez écouter. Mais prononce la bonne phrase qui est profite qui nous enseigne là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-nous tous nos péchés, malgré que nous finissons commettre beaucoup de péchés. Mais Allah les rafour au rahim. Nous devons plaigner avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pas n'être satisfait, nous pouvons faire namaz tous les jours assez, nous pouvons lire le Coran assez, chaque ramadan nous pouvons garder rosa assez, mais nous pouvons faire un paquet d'activités sans nous casser, nous pouvons dépenser beaucoup d'enfants à Bila assez, nous n'y pas assez, jamais n'y assez. Vous visez Allah dans la profondeur ou les cœurs? Est-ce que vous sentez ou besoin pardon Allah? Est-ce que vous sentez ou besoin pardon Allah avant que ça donne Allah? Ça qu'Allah dit avec une femme. Mais alors, chers frères et sœurs, je demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala est venu aussi pour apprendre sa Sayyid al-Istighfar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour apprendre sa Sayyid al-Istighfar qui se profite Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui l'enseigne. Allahumma anta rabbi wallah tu mimmu rabb la ilaha illa anta fina aucun bon Dieu excepté toi khalaqtani wa ana abduk tu fin crée moi et moi tu serviteur. وانا على عهدك ووعدك ما استطعت مو ريسبكتي مو لانغازمون ا توا اي مو بروميس ا توا كانتيتي كي مو كاباب اعوذ بك من شر ما صنعت مو سيس ريفوج افيك توا كونت لو مال دو سكي مو فين فير ابو لك بنعمتك علي مو ريكونيت ا توا تو فافور لو مو وأبوء لك بذنبي et me reconnaître en toi mon péché. اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Pardonne-moi, pour la personne qui pardonne mon péché, excepté toi. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Allahumma anta rabbi wallah tu min murab la ilaha illa anta pin aucun bon dieu excepté toi khalaqtani wa ana abduk tu fin crée moi et moi ton serviteur wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu me respecter mon engagement à toi et mon promesse à toi quantité qui m'est capable. أعوذ بك من شر ما صنعت موسيس رفيج avec toi contre le mal de ce qui m'a fait faire أبوء لك بنعمتك علي me reconnaître à toi ta faveur au moi وأبوء لك بذنبي et me reconnaître à toi mon péché اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت pardonne-moi, pour la personne qui pardonne ben péché, excepté toi. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu, a'udhu bika min sharri ma sana'tu, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك